Salut à tous, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de l'Asile de plusieurs sur l'antenne du 94 MHz, lundi en direct ou à partir du blog en podcast sur asile35.blogspot.fr, également du mixcloud.com/redman pour l'écoute en stream. On attaque l'Asile le plus sûr de cette semaine avec un groupe que je viens tout juste de découvrir, pourtant c'est leur troisième disque, mais il s'agit de production plutôt Happy Few, autoproduction pour un combo de Copenhague, donc des Danois, avec un disque vinylique qui vient de sortir sous le nom de Candy Prince. Il s'appelle les Butch Loud. Et ces Butch Loud pratiquent une sorte de musique assez free qui mélange afrobeat, également du rap en espagnol, et une sorte de mélange entre une musique un peu groove, un peu funk, très très funk d'ailleurs, et des thématiques un peu free jazz à la Albert Ayler. Le disque est vraiment bon du bout en bout pour se trémousser et aussi pour le côté trans. C'est le groupe de Madame Xenia Xamanek Lopez, figurez-vous, qui est une saxophoniste qui joue aussi beaucoup d'électronique et qui est une musicienne originaire du Honduras qui vit donc au Danemark. Le groupe est constitué de deux sax, d'un guitariste et d'un batteur, pas mal d'électronique également. Et on va dédier d'ailleurs ce morceau introductif, une fois n'est pas coutume, à Miss Clem. On écoute Butch Loud dans l'Asile le plus sûr avec Lady Dance for Ladies. We'll be right back. démarrage plutôt tonitruant dans les îles le plus sûr, mais parfois il faut en attaquer tout d'abord avec le disque de free jazz le plus grunge du moment. Il s'agissait des Bouge Loud, B-U-J-E-L-O-U-D, et le disque Candy Prince qui ne faisait pas trop dans la musique fleur bleue, plutôt dans un mélange donc entre afro, pop et une sorte de musique un peu psychédélique mélangée à du free jazz pour ce quintet avec deux sax, pas mal d'électronique, guitare, basse, batterie et puis différents collaborateurs également. Et ce troisième disque qui est encensé d'ailleurs par la presse et des chroniques dans All About Jazz, et aussi ils ont été nominés je crois dans certaines catégories de nouveau jazz du côté de leur pays d'origine, le Danemark. Et on a enchaîné les Bouge Loud qu'on réécoutera très certainement prochainement avec la rencontre entre Oneida et Rhys Chatham. Le disque s'intitule What's Your Sign et c'est sorti sur Northern Spy, le label de Brooklyn, ce qui n'est pas très très étonnant puisque les Oneida sont eux-mêmes de Brooklyn. Et donc ce disque plutôt très très bon, What's Your Sign, qui va sortir dans quelques jours, marque un peu la nouvelle rencontre, on pourrait dire, entre Oneida et le guitariste et trompettiste basé à Paris, ex-directeur de The Kitchen, la fameuse scène des musiques minimales répétitives américaines dans les années 70. Rhys Chatham donc en compagnie de ces jeunes musiciens de Brooklyn qui s'étaient déjà rencontrés à l'Ecstatic Music Festival de New York il y a de ça quelques années et qui ont donc décidé de remettre le couvert pour une session plutôt de free rock très très noise. Je pense que monsieur Rhys Chatham est uniquement à la guitare, lui qui officie dans des grandes formations de pas moins de 400 guitares aux côtés donc des membres de Oneida et notamment Kid Millions, de son vrai nom John Colpitz, qui a fait pas mal de choses sous son nom, également avec notamment Jim Sauter pour des duos sax, le saxophoniste de Borbeto Magus en compagnie de Kid Millions. Les disques sont vraiment très très bons, comme la plupart des productions de Kid Millions, notamment le Man Forever avec lequel il avait aussi sorti des disques sur Thrill Jockey comme un excellent disque en compagnie de l'ensemble de percussions Saw. Il y a de ça 2 ans, donc des choses très très variées pour ce percussionniste assez psychédélique de Brooklyn, Oneida étant sa version peut-être le plus rock noise ou free rock de ce qu'il peut pratiquer. Voilà pour ce disque donc qui paraît ces jours-ci sur l'excellente marque de la grosse pomme Northern Spy. On va continuer avec un musicien dont nous avons appris la disparition. Un de mes camarades, monsieur Renman, m'a appris la disparition, la regrettable disparition de Jean-Jacques Perret samedi dernier. Jean-Jacques Perret qui fut l'un des pionniers des musiques électroniques en France et aussi à l'international. Il avait commencé des études de médecine, mais il avait été assez marqué par les premiers disques de musique électronique des studios Philips vers 1957-58, notamment ceux de Tom Dissevelt alias Kid Baltan. Et donc il a commencé à s'orienter vers l'utilisation d'instruments électroniques primitifs tels que l'onduline de George Jenny, qui était un instrument qui mélangeait clavier avec différents sons sur boucles de bandes magnétiques, ce qui lui permettait d'avoir des sons un peu humoristiques. Il avait commencé à beaucoup pratiquer ses musiques à partir de la fin des années 50. Il a fait de nombreux shows et spectacles de cabaret, ce qui l'a amené à se déplacer et à faire une carrière outre-Atlantique. Il a aussi accompagné beaucoup les musiciens et chanteurs tels que Charles Trenet, par exemple. Et Edith Piaf l'avait fait venir aux États-Unis. À partir de là, il a commencé commencé à travailler aux côtés des musiciens américains et notamment au sein du duo cultissime Perry Kingsley, donc aux côtés de monsieur Gershon Kingsley, l'auteur du fameux Popcorn. Ils avaient sorti deux disques ensemble, puis après Jean-Jacques Perret a fait carrière en solo, une très belle carrière en solo. Ils ont fait aussi tous les deux pas mal de publicités, notamment pour Coca-Cola, des hymnes de la grande parade de Walt Disney. Et donc ce grand pionnier des musiques électroniques, Jean-Jacques Perret, est décédé le week-end dernier à 86 ans, à l'âge canonique de 88 ans, pardon. Et je vous conseille d'ailleurs, si vous intéressez à Jean-Jacques Perret, de visionner le documentaire qui est visible en ligne, Prélude au sommeil de Gilles Weissap. Pas facile à dire ça. Donc Jean-Jacques Perret qui a fait beaucoup de génériques de dessins animés aussi. C'est d'ailleurs pour ça qu'il nous a pas mal marqué, avec pas mal de génériques aussi pour la télévision française, notamment les fameux interludes d'Antenne 2 des années 70. Voilà, on va écouter un très très grand classique de monsieur Perret. Il s'agit d'un extrait de The Amazing New Electronic Pop Sound of Jean-Jacques Perret, un disque Vanguard qui était sorti en 1968. Et je propose d'écouter le morceau qui s'intitule Gypsy in Rio, puisque l'asile a un côté très gypsy. Oui, c'était Cut, cette séquence de bout de danse des canards pour le pied gauche. On a démarré avec Jean-Jacques Perret, un extrait de The Amazing New Electronic Pop Sound of Jean-Jacques Perret, sorti sur Vanguard en 1968 pour célébrer la mémoire de ce pionnier des musiques électroniques. Lui qui avait commencé par des instruments de type clavioline de Constant Martin et autre andioline de Georges Génie. Il avait aussi tâté du Moog, hein. C'était plutôt ce genre de son qu'on entendait à la fin des années 60 après son passage au sein du duo Perret-Kingsley, et c'est aussi quelqu'un qui a utilisé beaucoup les samples, qui a beaucoup contribué au démarrage de l'idée de sampling, notamment avec l'enregistrement de cris d'animaux passés dans des boucles de bandes magnétiques pour obtenir des effets pour le moins humoristiques. C'est d'ailleurs pour ça qu'il a fait pas mal de génériques tels que ceux de la mission américaine Captain Kangaroo, et aussi voilà, il a fait pas mal de choses en tout genre. Il est parti notamment en mission avec le commandant Cousteau pour des recherches sur les réactions des animaux au son, et notamment des expériences sur les dauphins du côté de l'île de Vancouver. Donc une carrière bien remplie pour monsieur Perret, qui nous a quitté donc le week-end dernier. On a enchaîné sa musique avec celle de K. Klosowski, qui lui jouait The Cassette ou The Cassetten Instrument sur un disque sorti par Félix Kubin sur son label de Hambourg Gagarin Records. Et alors là, c'est un autre genre de phénomène. C'était ce monsieur Klosowski, rien à voir avec l'écrivain du même nom. C'est quelqu'un qui bidouillait sur cassette au début des années 80. Il avait inventé un système, le fameux Cassetten Instrument, qui utilisait un système de Walkman et de contrôleur bricolé. Et donc il se produisait un peu partout avec cet équipement pour le moins incongru. Il avait collaboré notamment à l'époque aux côtés de Kurt Dahlke, de Pyrolator et puis pas mal d'autres gens. Il y a eu un disque d'ailleurs en duo entre ces deux-là sous le titre Home Taping is Killing Music. Et donc monsieur Félix Kubin, qui s'intéresse beaucoup à la New Dutch Welle. Alors je ne sais jamais comment prononcer ces mots allemands. Les auditeurs qui nous écoutent du côté de Würzburg nous pardonneront. Et donc Klosowski plays the Cassetten Instrument, ce sont des pièces du début des années 80, entre 82 et 84, produites par Félix Kubin. Alors c'est plutôt une musique assez répétitive, avec un côté très très artisanal, mais curieusement ça sonne aussi un petit peu comme du Félix Kubin. Toujours difficile de savoir si ce n'est pas monsieur Kubin lui-même qui nous fait des farces quand il sort ce genre de choses. Et on a terminé avec peut-être le musicien qui est l'un des héritiers méconnus de Jean-Jacques Perret. Il s'agit de monsieur Jan Andersen, le finnois Jan Andersen, qui n'est pas un lapon, mais un musicien pour le moins psychédélique, notamment depuis qu'il fait partie de Kemi Alisette Istavat. C'est quelqu'un qui lui aussi a une tendance à utiliser beaucoup le sampling et le côté assez cocasse dans la musique. Et là, il s'agissait de son autre projet sous le nom de Tumu Tontu, avec quantité de U et de T. Et le quatrième album, qui vient tout juste de paraître à la fois en cassette et téléchargement sur le label Living, ça s'appelle Trarat. Ce disque de Jan Andersen, Tumu Tontu, et c'est comme toujours très très représentatif de ce qu'il peut produire, à savoir des collages de petites percussions et synthétiseurs joués un peu et détournés dans tous les sens, avec des sonorités qui mélangent soit un côté post-GRM ou des sons un petit peu plus contemporains, par exemple façon One A Tricks Point Never, dans le côté electronica actuel. Voilà pour Tumu Tontu, et je propose d'enchaîner sans plus attendre avec un autre musicien électronique, cette fois-ci un soviétique, ou plus exactement quelqu'un qui est né en Union soviétique mais qui a grandi en Californie et qui comme un fait exprès vit à Berlin en Allemagne. Il s'appelle Andrew Peckler et il est actif depuis le début des années 2000 avec une série de disques, notamment des disques qui étaient sortis sur le label de Marcus Detmer, Stop Gold. Cranky aussi avait illustré sa musique, ainsi que les labels de Giuseppe Ielasi, Senufo Edition et School Map. Décordeur également n'a pas été en reste pour produire la musique de monsieur Andrew Peckler, ainsi que le label italien Planam, la subdivision d'Algamargen. Et cette fois-ci, c'est le label Feitice, le label de Jan Jelinek, qui s'est collé à la production d'un nouvel opus de Andrew Peckler sous le titre Triste Tropique. Et ça fait pas mal penser d'ailleurs à la musique que peut produire monsieur Jelinek, ce Triste Tropique de Andrew Peckler, qui est comme de juste masterisé par Guillaume Giuseppe Jelasi. Donc c'est un peu l'Afrique fantôme revue par ces musiciens électroniques. Et c'est vraiment très très bon ce disque de Andrew Peckler. J'étais passé un petit peu à côté des précédents et celui-ci me permet de rattraper un peu le coup avec cette production très très réussie. On écoute un extrait de ce disque de Andrew Peckler, l'album Triste Tropique. Thank you. Thank you. Séquence de musique électronique transgénérationnelle, plutôt stone dans l'asile de Pussure, qui a démarré avec un jeune musicien et ses nouvelles impressions d'Afrique et ses tristes tropiques d'Andrew Peckler. Très très beau disque paru sur étiquette de Yann Jelinek, le label Feitiche. On a enchaîné avec un compositeur britannique et des pièces qui viennent tout juste de refaire surface. Il s'agissait de la musique de Malcolm Poynton qu'on a entendu en milieu de séquence, et ce disque Electromuse produit par les bons offices du label londonien Public Information qui se consacre principalement à des musiques électroniques plutôt contemporaines, notamment des choses telles que Ecoplex, également la musique de Cathy Gatlay, c'est le label de Ian Halliwell, et donc il rend hommage à ce pionnier des musiques électroniques britanniques totalement inconnu au bataillon, monsieur Malcolm Poynton, qui avait démarré une carrière notamment à la BBC à la fin des années 60. Il était originaire de Stoke-on-Trent, il était né en 1940, il est décédé d'ailleurs il y a ça quelques années. Et donc en parallèle de sa carrière en tant qu'ingénieur son à la BBC, il était très très inspiré et influencé par les musiques avant-garde de type Caroline Stockhausen et autres tape musique de l'époque. Et donc il a commencé à construire des pièces notamment avec des générateurs de fréquences radio, des enregistreurs de bandes en différentes vitesse, et puis il a commencé à construire son propre synthétiseur analogique à partir de 1973 dans sa cuisine. Il a abouti à la création de cet instrument, le Mini Sonic, avec lequel il a créé donc des pièces toujours entre sa commode et son vaisselier, donc des pièces qui ne sont jamais sorties, je crois, à part peut-être sur des éditions du magazine Practical Electronics dont s'occupait G.C. Hude. Et donc le label Public Information nous donne la primeur de son travail, qui est totalement frais puisqu'il n'a quasiment jamais été écouté à l'époque. Et à noter que ça a été masterisé par Rachad Baker, et que ces pièces qui ont été données par la veuve de Malcolm Poynton vont servir aussi au financement de la lutte contre l'Alzheimer, la maladie qui l'avait touché vers la fin de sa vie. Voilà donc pour l'Alzheimer Society Memory Dance. Voilà pour ce disque donc Electromuse de Malcolm Poynton. Et les séquences qui partent en vrille derrière moi sont des samples, je crois, de disques de la Motown par Carl Stone, extrait d'une anthologie triple vinyle Electronic Music from The 70s and the 80s. Musique assez particulière, comme vous pouvez le remarquer, un travail de sampling dans le côté musique répétitive, un peu façon Steve Reich de l'époque, It's Gonna Rain, donc des pièces entre le début des années 70 et le milieu ou la fin des années 80 pour ce compositeur américain qui avait étudié à la Californian Institute of the Arts aux côtés de Morton Subotnick et James Tenney, et qui avait commencé donc sa carrière de compositeur électroacoustique au début des années 70 et surtout à partir des années 80. Il a aussi beaucoup travaillé au Japon, à la Chukyo University, ainsi qu'à San Francisco, hein, où il réside principalement. Alors il a sorti beaucoup de disques, Monsieur Carl Stone, notamment sur les labels New Albion, New Tone Records, pas mal aussi sur le label de Bordeaux de Monsieur Frank Stueffer Sonor, qui a beaucoup illustré la musique de Carl Stone. Et là il s'agissait d'une production donc du label Unseen Words, qui se consacre principalement à l'édition de pièces de musique minimale répétitive, mais alors vraiment très répétitive, hein. C'est très hystérique ce qu'on entend derrière moi. Et donc Unseen Words, qui a sorti pas mal de choses, notamment les pièces pour saxophone et bandes de Dickie Landry et autres compositions de Blue Jean Tyranny, le compositeur qui officiait aux côtés de Robert Ashley. Et donc cette triple compilation sous le titre Electronic Music from the 70s and the 80s de Carl Stone, qui est vraiment assez ébouriffante. Voilà, on va pouvoir continuer avec tout autre chose, et on va entendre la musique du guitariste du Bhoutan, le mondialement célèbre, qu'on vous passe très régulièrement dans l'asile le plus sûr et qui vit en Caroline du Nord, Taji d'Orgie, qui revient avec avec deux disques en duo aux côtés d'un batteur que je ne connaissais pas du tout, qui répond au nom de Tyler Damon, qui est une genre de batteur un peu façon, un peu tout le gratin des musiques free, notamment on pense beaucoup à Chris Corsano à l'écoute de sa manière de ferrailler. Et Taji d'Orgie et Tyler Damon se sont assez peu rencontrés, sont à trois occasions je crois, et à l'occasion de la deuxième ils ont joué sur scène at the spot. Ça a donné lieu à une édition live en cassette aux éditions Monophonus Press, subdivision Astral Spirits, les fameuses cassettes et séries de disques numériques qui illustrent un peu tout ce qui se fait de mieux dans le jazz free et contemporain en ce moment. Et Taji d'Orgie et Tyler Damon se sont fendus d'un très beau vinyle enregistré là encore dans le salon, mais cette fois-ci de Taji d'Orgie, et la musique est vraiment très bonne. Vous allez pouvoir vous en rendre compte avec un extrait assez long de ce disque sous le titre Both Will Escape, la musique de Taji d'Orgie à la guitare donc, et Tyler Damon. We'll be right back. Thank you. Vous êtes bien évidemment toujours sur l'antenne du 94 MHz à l'écoute de l'Asile le plus sûr avec une séquence de trois titres enchaînés qui a démarré avec la Furia Punk du guitariste Taji Dorji en compagnie de Tyler Damon qui mélangeait une sorte de musique un peu façon post Derek Bailey, Tony Oxley avec un côté aussi assez no wave new-yorkais de la fin des années 70 à la façon Blue Humans et autres DNA, le groupe dont est originaire Arto Lindsay par exemple, et ce disque Boss Will Escape sorti sur l'excellente marque Family Vineyard, un enregistrement à la maison dans la résidence en Caroline du Nord de Taji Dorji, musicien originaire du Bhoutan, le petit pays niché entre la Chine et l'Inde, le pays du bonheur national brut. Et c'est vrai que c'est un peu la sensation qu'on ressent à l'écoute de la musique de Taji Dorji depuis quelques années, qu'il s'agisse de musique improvisée entre blues déstructuré, folk fractal et autres noise façon post-Sonic Youth pour ce duo. En tout cas, un très très beau disque, donc Boss Will Escape. On a enchaîné avec un disque collaboratif, un hommage à rendu à monsieur Louis Hardin alias Moondog, Round the World of Sound, avec à la direction de cet orchestre Didier Achour, le guitariste qui a convoqué pas mal de gens, notamment le trompettiste Christian Pruvot qui lui a filé un coup de main aussi, puis pas mal d'autres gens, des musiciens assez réguliers des orchestres de Christian Pruvot, notamment Peter Orens qu'on a découvert dans pas mal de disques du label lillois Circum Music, également Sakina Abdou au saxophone qu'on a entendu notamment avec les gens de Louis Minus 16 et aux côtés de Jean-Luc Guyonnet récemment, et puis pas mal d'autres gens. Donc pour cet hommage au madrigaux de monsieur Moondog, principalement des pièces des années fin 60 et années 70 qui sont enregistrées un peu dans l'esprit assez proche de ce que Moondog avait fait de son vivant, mais ce sont des très très belles interprétations et un disque assez réussi, ce Round the World of Sound, cette anthologie autour des pièces de Moondog. Et on entendait le fameux morceau Nero's Expedition qui datait du fameux disque Moondog numéro 2, celui qui était sorti à l'époque chez Columbia Records, à l'époque de la célébrité de monsieur Moondog au début des années 70, le disque où il arbore ses fameux cornes de viking et son look assez incroyable, et donc les pièces Moondog Round the World of Sound qui sont sorties sur étiquette contemporaine, d'ailleurs sur l'excellent label de musique contemporaine New World Records. Et on a terminé avec un combo assez étonnant, il s'agissait de Lucky Dragon et le disque Onga Bunga Bongo Music, et ce titre Every Freebody Zappy, un très très beau projet que ce Lucky Dragon, totalement méconnu. C'est la musique que font les musiciens et plutôt plasticiens sonores originaires de Los Angeles, Sarah Rara et Luc Fischbeck, qui collaborent avec quantité de gens pour notamment des ateliers autour des perceptions auditives et pas mal de créations sonores en tout genre. Ils ont sorti pas mal de disques, alors les disques sont très très variés, celui-ci étant dans un registre très minimal répétitif, puisque c'est un peu le thème de la soirée de l'Asile le plus sûr. Et on va terminer l'émission, ou quasiment la terminer, avec une rencontre au sommet de 4 géants, ou plus exactement 5 géants du free jazz. Don Cherry, le trompettiste de poche, John Chikai au saxophone et à la voix, Léon Francioli à la basse, quelqu'un qu'on connaissait surtout dans les années 60-70 pour des collaborations aux côtés de Michel Portal, et Pierre Favre à la batterie, ainsi que Irène Schweitzer. Il s'agit d'un concert au fameux festival en Suisse Willyso, qui date du 30 août 1980, qui vient tout juste de refaire surface sur l'excellente marque suisse de la pianiste Irène Schweitzer, Intact Records. Le disque s'intitule Musical Monsters Willyso Concert. Je vous propose d'écouter cette archive phénoménale. Assez cruel de couper la musique excellente de ce quintet de vétérans et surtout les mélopées de monsieur John Chikai, le géant saxophoniste danois disparu il y a de ça quelques années, sur ce disque des Musical Monsters sorti par Intact Records. Mais rassurez-vous, vous pourrez entendre une grande partie de cette pièce sur la version podcast de l'Asile, asile35.blogspot.fr. On se quitte avec un dernier titre, le temps de vous donner juste une petite information concert, le retour de tournée de nos amis de la Société des Timides à la Parade des Oiseaux, qui ne jouent pas que dans le pays de la choucroute, mais qui seront aussi de retour dans le pays de la galette saucisse ce week-end, samedi 12 novembre, avec un concert au Cartel Loco, le nouveau lieu hype de la rue de Brest à Rennes. Ils seront en compagnie de Locusta Migratoria. Voilà, on se quitte avec un dernier disque et un disque en prélude au sommeil. C'est son titre d'ailleurs, ces deux excellentes pièces de Jean-Jacques Perret, donc le compositeur électronique récemment disparu, qui avait sorti ce disque pour l'Institut Dormifone, un disque qui était distribué aux médecins et aux victimes de l'insomnie. Apparemment, ça marchait vraiment très très très très fort, ces pièces enregistrées à l'époque sur instrumentarium de monsieur Georges Génie en 1958, donc des sons proto-électroniques pour le décollage à la verticale. Et après, on dira que l'émission L'Asile le plus sûr était mission à dormir debout. À vous de juger. On écoute Jean-Jacques Perret. Je vous souhaite une très très très belle nuit et une très belle semaine. À bientôt.

Creating one's own music can be a most thrilling and satisfying experience, and it's really only over the last 10 years or so that we've had much in the way of sophisticated equipment to do it with. The Minisonic synthesizer, a comparatively simple little device, has opened more doors than ever, especially to the amateur who has neither the expertise to design exciting new electronic devices nor the bank balance to buy commercial units. This cassette recording is a companion to an article by myself, Malcolm Poynton, in the June issue of Practical Electronics.